cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ma hukm al-murur bayna yaday al-musalli ay baynahu wa bayn sutratih. Le hukm, celui qui passe entre al-musalli wa sutra. Haram. Dès qu'on vous demande hukm, c'est imma haram, imma mustahab, imma wajib. Ma dalil anna hada haram. لا بس دليل آخر نعم قد يقول قائل سبيت خاص بو الكلب الأسود وال هذا دليل على وجوب السترة الحديث ذكرناه كثيرا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 سمونتر أن هذا الأمر لحرام de passer devant le musalli هل تبطل صلاته est-ce que s'il passe entre lui et sa sutra sa salat elle est batila مسألة فيها تفصيل على باطلة سيسان كلب أسود امرأة أو حمير على باطلة إذا كان من غير الأمور المذكورة في الحديث فالسي لا فيكس بخول هذه لآثم لكن صلاة صحيحة السي لا فيكس بخول لا شيء عليه إذا يبيزي بيان لمسائل مهم حتى لا تختلط عليكم الأمور الشيخ الألباني لفان نقد مهم Si tu révises dans l'ordre, anta ma yushkil alayk. Lanna huwa ila cité al-murur bayna yaday al-musalli, il te montre qu'il est athim, thumma ila cité ma yaqta' as-salat. Il te montre que hadha al-hal la salat elle est batila. Hadha c'est muhim. Qala rahimahullah an-niyya. Qala wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. قال في الحاشية قال الإمام النووي والنية هي القصد معروف النية هي القصد أي الانتنسيون فالمصلي يجب عليه أن ينوي هذه الصلاة لله عز وجل وحده لا شريك له c'est ce qu'on appelle الإخلاص et on a vu أن النية c'est من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها إنما الأعمال بالنية si la niya est صالحة حسنة خالصة لله سبحانه وتعالى فالصلاة بإذن الله لمقبولة si il respecte les autres شروط et il s'écarte des annulations et si la niya فاسدة لغير الله il aura de sa صلاة par rapport à sa niya si c'est لغير الله فإلا aura pas l'ajr عند الله et sa صلاة elle est pas مقبولة إنما الأعمال بالنيات وأدلة كثيرة في الباب الشيخ الألباني لا ستي حديث عمر المتفق عليه كذلك في القرآن أدلة كثيرة مرت معنا في دروس التوحيد أي وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء من شروط العبادة الإخلاص الإخلاص c'est cette niya cette intention que dans le cœur pourquoi tu fais cela pour qui tu fais cela يجب على المسلم que sa niya soit لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأدلة كثيرة في هذا الباب ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك نقل غير واحد من العلماء الإجماع أن الصلاة لا تصح لا تجزئ إلا بالنية أما ما يفعله بعض الجهال من التقرب إلى الأموات أو إلى القبور. Tout ça c'est grave. Et si il fait salat et sa niya, c'est pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Il veut se rapprocher d'une créature. Il lui donne cette adoration azim. قال عز وجل واقيم الصلاة واقيم الصلاة لذكري. فالسلوي كي صلي pour autre qu'Allah عز وجل هذا الصلاة الباطلة الأمر لخطير. تدخل بعض الجهال يركعون للقبور ويسجدون للقبور ونبي أن الصلاة في القبر الباطلة أو عند القبر أو في المقبرة autre que salat al-janaza. فما بالك si sa niya c'est pour se rapprocher de ce mort. Il a peur de lui ou il espère ou il place sa confiance en lui. وَيَرْكَعْ وَيَسْجُدْ. Sa niya c'est pour le mort. هذا والعياذ بالله خسر دنيا وأخرى. هذا il a perdu sa dunya et sa akhira والعياذ بالله. هذا الباب من أهم ما يكون. وهذا الباب ولله الحمد لله ديتايي نحن في دروس التوحيد والحمد لله. على كل حال هنا النية في الصلاة. بقي مسائل في هذا الباب مهمة en liaison avec la النية. المسألة الأولى حكم الجهر بالنية. أي est-ce que cette نية il faut la prononcer à voix haute أم لا؟ تعلمون أن بعض الناس لا prononce. مثلا il se met debout en direction de la Qibla. Il est prêt à faire salat. Et avant de faire le takbir, takbiratul ihram, il prononce al-niyya. Il dit, par exemple, sa'usalli salat al-dhuhr, incha'Allah ta'ala. Ou certains disent salat al-dhuhr, incha'Allah ta'ala. Et il prononce cette niyya. Qala, Cheikh al-Islam, Abu al-Abbas, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qala, amma al-jahru bin-niyya wa tikraruha. فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق المسلمين. شيخ الإسلام il a rapporté l'unanimité des musulmans أن le fait de prononcer à voix haute la niya c'est une بدعة. لماذا؟ لأنها لم يكن يفعلها أو يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الآن هذا العمل للبروفيت صلى الله عليه وسلم لا جامي فيه ني الخلفاء الراشدون ني سي كاليف كي سوموني أبقى لي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ني أحد من الصحابة ني أئمة الهدى. فالسلوي كيف هذه الشوز إلا أنفنتي كالكو شوز في الدين. السلوي كي أنفنت كالكو شوز في الدين إلي طبيض البدعة وكل بدعة ضلالة. فالجهر بالنية شن بدعة باتفاق العلماء. كذلك في الغيبتي شن بدعة. النية on va voir c'est dans le cœur. أما celui qui la répète le fait de la prononcer c'est une بدعة. La répéter c'est une deuxième بدعة. فلا يجوز. النية c'est dans le cœur. كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى. La deuxième مسألة اللي هي la première وهي التلفظ سرا. قد يقول قائل est-ce qu'on a le droit de la prononcer لكن سرا. La première mas'ala, on a dit jahran à voix haute. Al-an, il la prononce à voix basse. Il n'y a que lui qui s'entend. Qala shaykh al-islam, lakin tanaza'a al-ulama hal yustahab at-talaffuz bin-niyya sirra. Dans cette mas'ala, il y a un khilaf entre ahli al-ilm. Amma al-jahr, c'est bil ittifaq. Al-jahr, c'est bil ittifaq, c'est une bid'ah. Et il a prononcé à voix haute. À voix basse, il y a un khilaf entre ahli al-ilm. نزاع بين العلماء. نقل النزاع هذا شيخ الإسلام قال وهذا القول أصح الأقوال أي عدم الاستحباب. إلى ست الأقوال نونا غزمي أي لا montré أن le fait de la prononcer à voix basse c'est pas مستحب. C'est une بدعة كذلك. C'est la même chose. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا pas fait كذلك. العلة في البدعة c'est عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. C'est ça العلة في البدعة. Pourquoi une chose ça devient une bid'a et le prophète il l'a pas fait, il a pas ordonné de la faire. Que ça soit voix haute à voix basse, le prophète il a ordonné et il a fait aucune des deux. Enfin, le hukm qu'on a donné pour la première, c'est le hukm pour la deuxième. C'est qawl Cheikh l'Islam ou jama'a min ahl al-ilm. Et c'est qawl al-wadih al-sahih. Qala bal at-talaffuz bin-niyya naqsun fil-aql wad-din. Sahih. Cheikh l'Islam il te montre que le talaffuz, que ça soit à voix haute ou à voix basse, c'est un axe fi din wal aql. La personne, il a une faiblesse dans son din, dans sa raison, kadhalik. لأن هذا ليس شيء نورمال. إذا دنا مثال قال أما في الدين فلأنها بدعة. نعم إلى بدعة في جمال الدين ça diminue le din de la personne. Plus la personne elle a des bid'a ou l'ayadu billah, plus son din il est faible. Plus la personne est tamassak bis sunna et s'écarte des bid'a, plus son din il est qawi. Fa hadi bid'a c'est un aqsu din, din de la personne bien sûr. Amma din il est kamel. Amma nahnu dès que sur l'islam il cite ses paroles, il parle de la personne, son din à elle. Amma din il est ta'lamoun il est kamel. أما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول نويته بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أن أخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع. شيخ الإسلام يتسيت مثال pour te montrer que c'est une faiblesse même dans la raison. Il a cité l'exemple du ta'am. C'est comme si tu allais manger et avant de manger tu dis انظر على على نقص. Avant de manger, une personne il dit al-an, je vais mettre ma main dans le plat, je veux prendre une bouchée, je vais l'avaler et mon but c'est de plus avoir faim. هل يقال هذا؟ Ça se dit pas هذا. Anta t'as préparé ce plat et tu t'apprêtes à manger que pour ça. C'est ça ta niya. Ça t'as pas besoin de la prononcer. Si tu prononces ça devant une personne, il va dire il va douter sur ton aql. Fa niya se prononce pas abadan. Niya c'est quelque chose dans le cœur. Et ton amal il montre ta niya. C'est ça l'asl. Si une personne il s'apprête à manger, sa niya c'est de manger. Et s'il mange, c'est parce qu'il a faim. Et parce qu'il veut shba. Est-ce qu'il y a une faïda de la prononcer? Amma din, il n'y a pas de dalil, c'est une bid'a. Même aqlan, logiquement, ça ne se prononce pas. On revient à notre mas'ala as-salat, la hajj. Awalan, c'est une bid'a. Et anta madalan, tu t'es déplacé, tu as fait l'ordo chez toi. Tu t'es déplacé jusqu'au masjid. Tu t'es mis dans les rangs. T'attends l'imam. Thumma wahid dit je vais faire salat al-dhuhr lillah. Tu t'es déplacé, tu as fait l'ordo. Enfin, l'imam, tu le cites. Khassatan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Khassatan al-Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam ma fi al-qulub. Ya'lam ma fi al-sudur. Ta niya, c'est une ibada lillah azza wa jal. C'est une ibada batina. C'est une ibada du cœur, qalbiya. Enfin, tu n'as pas à la prononcer. Si tu es venu pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu veux faire cette ibada pour Allah azza wa jal, ay as-salat, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Avant que tu aies la niya et avant de t'avoir créé. Fala haja. Et il y aura une faïda. Fid din ou fid dunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'aurait fait. Et la personne ne minimise pas. Il ne dit pas c'est qu'une petite bid'a. Abadan. Al bid'a est azima. Et Anna, celui qui l'a fait, c'est comme s'il prétend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a pas fait. Et s'il l'a fait, ouah, c'est qu'il prétend que c'est bien de le faire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait ce bien. Et ça c'est grave. فلهذا قال الإمام مالك من أحدث في دين الله أو من قال بالبدعة الحسنة كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. C'est comme si le Nabi صلى الله عليه وسلم il n'avait pas transmis le message. Et أنت tu viens et tu montres ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم il n'a pas transmis. Et ça c'est grave. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a tout transmis. أنت t'as qu'à prendre. فدلس البدعة. البدعة ça fait du mal au دين. بقي كلام شيخ الإسلام نفس الشيء اللي في مجموع الفتاوى volume 22 المجلد الثاني والعشرون بقي مسألة قد يقول قائل كومون فيه هذه النية النية تغير فيه c'est ton cœur. Si c'est l'heure de salat, t'as fait dhuhr, tu te prépares, tu te mets en direction de Qibla, la chaque ta niya c'est que tu veux faire salat. Enfin, c'est ça ta niya. الصيام نفس الشيء. Si il s'est levé maintenant au sahur, il prépare à manger, tout le monde, tout le monde, il arrête, la chèque est le niya de faire siyam. Enfin, tu n'as pas de parole à prononcer. Abadan. قال l'imam Muqbil ibn Hadi, rahimahullah, قال قيامك إلى الصلاة يعتبر نية. فلا يحتاج أن تقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات مؤتما أو إماما إلى آخره. كلام شيخ مقبل في صفة الصلاة. صفة صلاة النبي كأنها رأي العين. Une risala, ils ont rassemblé les paroles de Cheikh Mokbil sur As-Salat et ça a donné une petite risala sur la description de la salat. Et elle ressemble à celle de Cheikh Al-Albani, rahmatullah. Hada ma yata'allaq bin niya. Et niya, c'est quelque chose, la personne y est hadar min al-wasawis kadhalik. Il fait salat, ويتعب il a fait l'ordre, il s'est déplacé au masjid, il est rentré au masjid, il s'est mis dans les rangs, il a fait salat, à la fin de salat il doute. انظر تلبيس ابليس. À la fin de salat il doute, il dit ah je sais pas si j'ai mis niya. Ya akhi, t'es venu de chez toi, t'es venu pourquoi? Il s'est déplacé, il est rentré dans les rangs, tout ça c'est pourquoi? La chèque que t'as une niya. Une personne normale. Ferme la porte à Iblis. Si on laisse la porte ouverte, comme ils font Ba'd al-Nas, wal'iyadu billah, tat'ab. Wallah, Iblis, il va jouer avec toi. Hatta, tu vas avoir une vie amère, wal'iyadu billah. Wallah, Ba'd al-Nas, bi katrat al-wasawis, il refait salat 3-4 fois. Ba'dhum, l'exemple qu'on a cité, il arrive au masjid, il a fait salat, il dit, ah, j'avais pas, je crois que j'ai pas mis la niya. Il refait le salat, maintenant. Il a fini, il a encore un doute. Il dit, mais je ne sais pas si j'ai vraiment bien mis le niya. Halal an Iblis tasallat alay. C'est pas hakada. Starih ayyuhal mu'min. Toi, tu as fait l'eau et tu t'es placé, c'est que pour cela. Hadi lassi wasawis. Hatta yadkurun. Min shiddat al wasawis. Wa'ad al nas. Ils ont des wasawis fil ghusl kadhalik fil wudu. Ça c'est kathir. Wahid minhum, tellement qu'il avait des wasawis. Il a fait le ghusl et il s'est plongé dans un bassin, dans un lac. La chèque, il a fait le ghusl. Tout son corps, il a été touché par l'eau avec la niya. Il est sorti et il avait des doutes. Est-ce que l'eau, elle a touché tout son corps? Chauffe à la wasawis. Tawakkal à Allah. Place ta confiance en Allah et sois sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim. Amma hadi cette shidda, elle fait du mal à la personne. Hatta wal'iyadu billah, wa'adhum, il désespère. Ça le fatigue. Il a un sou au dhan. Et hada, ça lui fait du mal dans son dé. Anniya, tu fais l'odo, tu vas au masjid, c'est ça t'anniya. Tu te lèves, dès que tu te lèves, tu es chez toi, tu fais salat chez toi. Le fait que tu t'es levé pour aller faire salat, c'est ça t'anniya. C'est ton cœur. T'as pas besoin de prononcer aoul. Là. Qala, rahimahullah, at-takbir. Taqaddam ma'ana. أن التكبير أي هذا التكبير تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام سمن أركان الصلاة فقول الشيخ الألباني رحمه الله التكبير أي تكبيرة الإحرام ولعل إلى نبه الحاشية نعم في الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير سموتكس تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام كما قال في الحاشية لانوت نميرو 5 قال وتحريم أي وتحريم ما حرم الله منها من الأفعال أي ست كبير يحرم على الإنسان الأفعال والأقوال qui sont خارجة عن الصلاة فأفك ست كبير تكبيرة الإحرام سي حرام عليك de faire autre chose que cette salat فمثلا t'as plus le droit de parler tu dois réciter الفاتحة et tu récites les adhkars de la salat, lakin un kalam qui est en dehors de cette salat, il est haram alayk. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé takbiratul ihram. Ce takbir, il rend haram les choses qui sont hors de la salat. Que ce soit des harakat, que ce soit des paroles. Hada, avec ce takbir, l'an, t'es rentré dans la salat. Takbiratul ihram. L'an, à partir de ce takbir, t'as un comportement à voir, t'as des aqwal à dire, tu dois respecter les shurut, les arkan, les wajibat, t'appliques les sunan, et هذا تكبيرة الإحرام قال في الحديث كما هو تحليلها التسليم التسليم il l'appelle تحليل كما il l'appelle le prophète صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم ça te montre que le تسليم il te rend halal ces choses le تكبير الإحرام il t'a rendu haram certaines choses le fait de parler le fait de bouger avec tout ce qui est en dehors de la salat le fait de manger le fait de maintenant manger pendant la salat c'est haram التسليم ça te rend halal toutes ces choses. Wa tahliluha at-taslim. C'est pour ça qu'on appelle takbiratul ihram. Li'annaha ça rend ce takbir est haram al-umur al-kharija 'an as-salat. Qawluhu at-takbir on sait l'an ce que c'est takbiratul ihram. Qala al-Sheikh al-Albani rahimahullah قال وكان صلى الله عليه وسلم أو قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر قال رواه مسلم وابن ماجه قال وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم première chose c'est la sigha et la formulation de ce takbir tu dis Allahu Akbar fa فلا يجوز que tu cites autre chose. فقد يقول قائل est-ce qu'on a le droit de dire Allahu a'zam ou Ar-Rahman akbar? C'est la même معنى. Allahu akbar ou Ar-Rahman akbar, c'est la même معنى. لكن بعض العلماء قالوا بالجواز لكن الصحيح c'est que on reste à la main fil hadith. Le prophète صلى الله عليه وسلم il disait Allahu akbar. فلا يجوز on cite une autre sira. La formulation المعروفة في التكبير c'est Allahu akbar. لا يجزي إلا قول الله أكبر لأن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أولا donc la formulation du takbir الله أكبر قال وقال له أي للمسيء في صلاته قال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر الحديث تقدم معنا كثير الحديث المسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقول الله أكبر سموت هذا كذلك الصيغة la formulation la prononciation qu'on doit dire c'est ces deux mots لفظ الجلالة et أكبر الله أكبر قال وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة الطهور أي الوضوء هذا من شروط مفتاح الصلاة سندليل على شرطية الطهارة قال وتحريمها التكبير التسليم بإذن الله على فان جلد ونصد مسائل في التكبير ومسألة اللحن في التكبير بعض الناس يدفعهم سو تكبير يغاجد دي مدود مثلا كم يبقى يكسلك ابن قدامة رحمه الله بعض الناس سكم سي يبسال مدية تسا لا حاجة له التكبير سي التكبير تجي الله أكبر تسوى إمام أو منفرد فتتخوف بعض الأئمة يلحنون في التكبير والمشكلة أن هذا اللحن أحيانا يشونج لا معنى قال ابن قدامة رحمه الله الإمام في المغني قال يبين التكبير ولا يمد في غير مواضع المد المد سي لفت دو برولونجي لا حركة Tu dis Allahu Akbar. Si tu dis Allahu Akbar, c'est comme si tu demandais tu te poses la question est-ce que Allah c'est l'Akbar? فقال ابن قدامة فإن فعل بحيث تغير المعنى مثل أن يمد الهمزة الأولى. الهمزة الأولى أي في لفظ الجلالة فيقول الله يجعلها استفهاما. هذا خطير الآن. لا يجوز التكلف وما أنا من المتكلفين. لا يجوز la personne il exagère le prophète صلى الله عليه وسلم dit Allahu Akbar فأنت en tant qu'imam tu dis Allahu Akbar أما بعض الناس tu le trouves يطول بعض الحروف زيادة قال فيجعلها استفهاما إلى آخره لا شك أن هؤلاء لا يقصدون ذلك c'est des جهال يكونوا pas استفهام أو غير استفهام لكن المعنى تغيرت Toujours celui qui veut rajouter à la sunna, il se fait du mal. Ah, c'est une règle. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. انظر هؤلاء, ils ont rajouté une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas fait. C'est une porte d'égarement. Allahu Akbar. C'est une porte d'égarement. Et si on prend le lafd mot à mot, ça veut dire que tu te poses des questions. Est-ce que tu as un doute? Celui qui a des doutes, est-ce que Allah c'est lui l'Akbar? La chèque c'est du kufr. Tu n'as pas le droit d'avoir des doutes. انظر لا بدعة وكلمين لا بيرسون لا يجوز وراجو دي مدود بعض الناس تتخوف إذن ستم مالادي نسأل الله العافية في الأذان et ça c'est répondu c'est comme une mélodie il fait des مدود et أحيانا il change la معنى et il prolonge لا يجوز هذا التكلف السلف ils étaient أحرص منا ils aimaient السنة plus que nous ils avaient plus de علم que nous ils n'ont pas fait toutes ces choses ah bah celui qui a une belle voix Le fait qu'il prononce, il a une belle voix, il a une belle voix. Il n'a pas besoin de rajouter des mots d'ziyada, ziyada. T'as l'impression d'écouter une mélodie. Là, il y a du zhal. Dès que tu dis Allahu Akbar, t'as pas besoin de faire des mots d'oud. Si t'es mokhlis, si tu comprends la kalima, ça c'est une kalima azima. Tu sais que t'es rentré dans salat et Allah, c'est l'akbar. Plus rien doit te chagrer dans ta salat. Tu sais que dunya, tout ce que t'as laissé pour faire ta salat et l'akhiré, Allah, il est akbar. Et tu sais que c'est Allah qui va te donner, c'est Allah qui guide. On se concentre nous احيانا والله المستعان في هذا الزمن on se concentre nous sur les alfad sur l'apparence فقط il a une belle voix il a kada c'est pas ça l'essentiel il a une voix il a une belle voix c'est Allah qui lui a donné l'amr ça l'essentiel c'est ركز ça veut dire quoi Allahu akbar الشهادة ثم تجي كذا c'est ça qu'il faut ركز Alors, il écoute, c'est comme s'il écoutait de une mélodie, de la musique. Al-Adhan, il a des ma'ani azim. Al-Adhan, c'est une da'wa ila tawhid. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, c'est du tawhid. Ba'd an-nas, ils écoutent l'adhan 5 fois par jour, thumma il adore autre qu'Allah. Li'anna, il n'a pas compris hada al-Adhan. Tu trouves Ba'd an-nas, Allahu Akbar, et il fait passer dunya avant son din. Et 5 fois par jour, il fait takbirat l'ihram et toutes les autres takbirat. Fanahnu rakiz ala al-fahm. Et on applique. On délaisse hadi l'umour. Al-lahn. Les choses qui ne sont pas mashrou'a, que ce soit dans l'adhan, que ce soit dans le takbir, que ce soit dans la récitation du Coran, kadhalik. Al-mubalagha wa al-takalluf, ça fait du mal. Mas'ala, et elle est muhimma jiddan, c'est la période du takbir al-ihram. Ay mata. La chaque takbirat al-ihram, t'es debout. Ah là, c'est wadih. Lakin, on va voir une mas'ala. Quand il est en retard sur salat, maintenant, tu arrives au masjid, l'imam il est raki'. Tu arrives au masjid, l'imam il est raki'. Il est déjà incliné. C'est wajib alayhi que tu fais le takbir debout. Quand tu as l'imam, al-Nawawi rahimahullah, yajib an yukabbir lil-ihram qa'iman, haythu yajib al-qiyam. C'est une obligation. Si tu fais. Maintenant, on donne un exemple. Une personne il veut faire salat, il est assis, il fait Allahu Akbar. Il est assis et il fait le takbir. Allahu Akbar. Tout le monde il se lève et il commence à réciter le Fatiha. Il faut qu'il arrête, il refait le takbir debout et il refait la salat. Amma, le cas qu'on a donné, il est nadir. Lakin, ce qui arrive beaucoup, c'est les personnes qui arrivent en retard sur le salat. Qala l'imam an-Nawawi wa kadha al-masbuq alladhi yudrik al-imam raki'an yajib an taqa takbira al-ihram. بجميع حروفها في حال قيامه احيانا في نيرونس اون سبريسيبيت l'imam il est raki' l'imam il est incliné. Une personne elle arrive en retard et veut rattraper l'imam, il se précipite et dit Allahu Akbar et il finit pas le takbir, il est déjà prosterné ou incliné ou prosterné si l'imam il est prosterné. قال الامام النووي فان اتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. Si une lettre de ce takbir, elle n'est pas prononcée, ou si tout le takbir n'est pas prononcé debout, elle une lettre, maintenant il dit Allahu Akbar, le Ra, il l'a prononcé en, et il est déjà incliné ou prosterné, sa salat elle est batala bil ijma'. Les anna, il a loupé un rukn. Takbir al-ihram, c'est un rukn de le prononcer et de le dire debout. Anzar al-majmou'. Les Nawawi, il a cité Adal Kalam. لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. لماذا il a précisé فرضا? Pourquoi il précise salat al-fard? Pourquoi quand salat n'est pas fard, tu peux faire takbir assis? Mais c'est quoi la différence entre la salat obligatoire et la salat nafila recommandée? Al-qiyam fi salat al-nafila, on a dit, c'est pas un fard. Al-qiyam fi salat al-nafila, c'est mustahab. Donc le fait de debout fi nafila, c'est mustahab. Amma al-farida, là. C'est ça la différence. قال ابن قدامة رحمه الله وعليه أن يأتي بالتكبير قائما فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا قبل انتهاء التكبير لم تنعقد صلاته. On a dit l'imam Nawawi a cité l'unanimité des savants. L'imam ibn Qudama c'est un hanbali le madhhab. L'imam Nawawi c'est un shafi'i. Lakin fi hadhihi al-mas'ala ils sont tous d'accord. Anna si il prononce le takbir et il n'est pas debout fi salat al-fard, bien sûr s'il a la capacité. Une personne, il n'a pas la capacité de se mettre debout. Il n'a pas la capacité, il fait assis. Salat assis, il fait tout assis. Ça. Nous, on parle de celui qui a la capacité. Nous, on a vu Al-Qadir. Al-Imam Ibn Qudama, il a rapporté la même chose que Al-Imam Nawawi. Il n'a pas l'aqid salatu. Kadhalik, la personne qui arrive en retard, la yasta'jil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Bis-sakina, ma adraktum » مع الإمام فصلوا وما فاتكم فأتموا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبقوا فاصلين بعض الناس يكور أو الإمام إلى راكع إلى انكليني الإمام أو بخستغني خاصة الكوت الانكليني لأن si tu arrives à t'incliner avec l'imam الصحيح c'est ta raka'a est valide. فبعض الناس ils se précipitent. Si t'as réussi à rattraper الطيب يعني si t'as adrakt الركوع طيب si il s'est relevé t'as manqué la raka'a, tu la rattrapes à la fin de la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la solution. Amma qu'on se précipite, on khalif la sunna. Ça peut pousser qu'il se précipite. Il ne dit pas le takbir ihram. À sa place, sa salat, elle est bâtée là. لماذا؟ لأن il est rentré dans salat sans takbir al-ihram. C'est comme s'il était rentré sans takbir al-ihram. Ça veut dire qu'il s'est précipité, sa salat n'est pas comptée. Si c'est un jahal, c'est un jahal. لكن لا بد إنسان يتعلم. هذه c'est une مسألة مهمة. راجع. On a dit al-majmou' al-mughni. Et ce مسائل, il les a cités à خونا الشيخ محمد بن حزام في فتح العلام شرح بلوغ المرام. مسألة كذلك يعني مهمة. من أدرك الإمام راكعا فهل تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال؟ إلى غيب على الصلاة أو غطاء. الإمام اللي ديجا راكع الآن إلى دو تكبيرة فيه للإمام اللي راكع الإمام اللي أنكليني. Donc toi si t'arrives à la salat un tu rentres dans le rang t'as deux تكبيرة فيه الله أكبر تكبيرة الإحرام celle qu'on a vue c'est un ركن ثم الله أكبر pour t'incliner. Ça te fait deux takbir. Est-ce que via de l'hal, si tu arrives en retard, il y a juste que tu cites Wahida Fakat? Si tu arrives en retard, est-ce que un takbir, ça suffit pour les deux? Maintenant, tu arrives, l'imam et le raki'a, tu fais Allahu Akbar. Et tu t'inclines directement. Les osoul et les kawa'id, on avait cité ça. Hein? Ahsan. Tu as deux wajib. Takbirat l'ihram, c'est un rukna les wajib. تكبيرة الانتقال ألي واجبة. Le deuxième شرط pour تداخل c'était quoi؟ أحسن. C'est un جنس واحد. C'est un تكبير. C'est un تكبير. في هذا الحال on avait vu أن التداخل c'est deux عبادة. Elles ont le même جنس. Le même حكم. فيجوز tu fais الله أكبر. تنية. Bien sûr c'est تكبيرة الإحرام لأنه tu rentres en salat. Et c'est تكبيرة الإحرام il englobe تكبيرة الركوع. Et tu t'inclines directement. يجوز. Et يجوز كذلك les deux. Et c'est ça l'asr. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله قال il a cité ce qu'on a dit que c'est sahih يجوز que tu fasses qu'un takbir ça englobe les deux. قال ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما صح عن ces deux compagnons du prophète زيد بن ثابت وابن عمر أنهم ils ont fait qu'une takbir. Les deux affaires ils sont dans مصنف ابن أبي شيبة لأسانيد صحيحة. انظر فتح العلام إلى ستر لأسانيد. قال ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فيكون ذلك إجماعا. Vous rappelez مسألة الصحابي qu'on a fait dans l'usul أن si الصحابي il fait quelque chose et les autres compagnons ils ne le خالفوا pas لا أحد أنكر si c'est un إجماع سكوتي لا بس c'est une حجة. قال ولأنه اجتمع واجبان من جنس أي واحد في محل واحد وأحدهما الركن فسقط به الآخر. الركن اللي كونسيديري كوم واجب تكبيرة الانتقال اللي واجبة لا شك أن si on fait qu'une تكبيرة الإحرام elle suffit أو elle prend la place de تكبيرة يعني الانتقال. هذا كلام ابن قدامة في المغني إنسان كلام واضح إلى الجيد فيجوز de faire qu'un تكبير. قال الإمام الألباني رحمه الله وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. Ça c'est une mas'ala fi at-takbir ay le fait de lever la voix. Amma pour l'imam c'est wadih. L'imam il lève la voix. لماذا لأن الإمام قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام يتم به. L'imam c'est on le suit. Si tu pas voix haute fanta tu vas pas savoir t'es où. Takbir, ihram, ruku, sujud, fa c'est le takbir anta qui te permet de suivre. Hada wadih. Il reste celui qui prie derrière l'imam et المنفرد. قال الإمام النووي يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال ليسمع المأمومين وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد. سساء الحكم في هذا الباب. الإمام يستحب له كلاب لابوا لأن إذا سببي بل القول بالوجوب لبا بعيد لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. لعله on va le citer. لماذا لأن si l'imam il lève pas la voix on pourra plus le suivre et le suivre c'est une obligation et ce qui te permet de faire cette obligation c'est qu'il lève la voix. ففي حاله c'est واجب والله أعلم في حاله c'est واجب qu'il lève la voix. حتى nous on peut appliquer le suivi. S'il lève pas la voix comment on va faire les rangs du fond ou s'il y a deux étages ou كيف يفعل لابد il lève la voix. المأموم والمنفرد السنة سكي يبرونس pas à voix haute. Il y a pas besoin de d'élever la voix. En أحيانا في صلاة الجماعة des personnes derrière il acte toi tu le trouves il lève la voix تكبير. C'est pas une sunna. Sunna سكي يسمع نفسه à voix basse. قال الشيخ ابن تيميه وجوب الامر بالجهر لامرين سي اوبليغاتوار بور الامام دو لفي لا فوا اما الامام النووي قال يستحب الصواب الوجوب بوكو بور دو شوز قال الشيخ ابن تيميه لفعل النبي عليه الصلاه والسلام فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر تكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يلفي لا فوا سان فعل هذا الفعل أصل الاستحباب لكن vu que le prophète صلى الله عليه وسلم le jour où il est tombé malade il ne pouvait pas Abu Bakr il a remplacé il est à côté de lui et il levait la voix ça montre que c'est wajib ça serait pas wajib Abu Bakr il l'aurait peut-être pas fait هذا لكن ça suffit pas pour l'wujub قد يقول قائل ان Abu Bakr il a fait min bab l'istihbab لكن الثاني قال انه لا يتم اقتداء المأمومين بالامام الا بسماع التكبير وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ce deuxième point il renforce le قول que l'imam le fait qu'il prononce le takbir à voix haute c'est wajib لان c'est une wasila pour le suivant on n'a que ça si t'es dans les derniers rangs tu le vois pas et ça nous arrive احيانا dès qu'on fait la deuxième jama'a l'imam tu l'entends pas beaucoup t'arrives pas à le suivre ça vient ben il lève la voix le plus longtemps qu'il peut s'il a le micro alhamdoulilah s'il a pas de micro il lève la voix autant qu'il peut hatta les gens ils peuvent le suivre derrière est-ce que si l'imam il a pas de micro maintenant on a une grande mosquée à partir du quatrième rang on l'entend plus est-ce que wahid yajouz il lève la voix pour que les autres ils entendent yajouz ma dalil ma hu Abu Bakr رضي الله عنه كان يبلغ التكبير فسان دليل انه يجوز نعم الدليل لاستحد جابر في الصحيحين صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر خلفه رضي الله عنه فاذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ابو بكر ليسمعنا هذا ساس سنه لكن سي في الحاجه فقط سي ان ميكرو tout le monde entend dans le masjid la haja tu vois dans certaines mosquées مثلا ils ont pris l'habitude tu entends très bien l'imam quand il dit Allahu Akbar tu trouves le muadhdhin derrière il a un micro كذلك et il répète هذا c'est pas min as-sunnah قال الامام ابن تيميه رحمه الله لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الامام الذي هو المبلغ لغير حاجه donc ce amr ou cette sunnah de répéter une personne il répète le takbir de l'imam à voix haute c'est عند الحاجه le dalil c'est que le prophète il était malade et Abu Bakr il répétait le takbir à voix haute pour qu'ils entendent si le prophète en salam il serait pas malade est-ce que Abu Bakr il a déjà fait ça abadan ça montre que ça c'est متعلق بالحاجه اما dans certaines mosquées là, le micro yakfi il a pas à répéter derrière قال باتفاق الائمه باتفاق العلماء اجماع c'est important l'ijma fi al-fiqh ya jamaa l'ijma noté لان الناس الحجه si t'as l'ijma t'as une hujja avec toi elle est قويه personne a fait stack pourquoi toi tu vas le faire rakizu al-adilla al-ijma'at amma tous les kalam qu'on cite anta tu notes l'essentiel qala fa in bilal lam yakun yuballigh khalf an-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa wa la ghayruhu wa lam yakun yuballigh khalf al-khulafa' ar-rashidin lakin lamma marida an-nabi sallallahu alayhi wa sallam marra wa sawtuhu dha'if ila akhirin ila cité la qissa قال على فان فاتفقوا على انه مكروه غير مشروع العلماء يسقينانيم que le fait que une personne il répète le takbir après l'imam à voix haute s'il y a pas de haja s'il y a pas d'utilité il est pas malade ça arrive احيانا il est en bonne santé mais il y a une panne de micro maintenant في هذا الحال طيب si la mosquée elle est grande les rangs du fond ils écoutent pas celui qu'Allah lui a donné une belle voix une grosse voix فلا بس il élève sa voix takbir حتى les autres ils écoutent اما عند غير الحاجه c'est غير مشروع بالاتفاق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك